Put your hands together one time. Bonjour chers amis, bienvenue à Entrepod, l'émission culturelle de FrenchPod qui parle de la francophonie. Aujourd'hui, au menu, nous avons une nouvelle région à vous présenter. Et pour ce, j'ai une très bonne amie qui est ici avec moi dans le studio, qui s'appelle Anne. Bonjour Anne. Bonjour Amaury. Comment ça va? Ben ça va bien, je te remercie. Alors je suis vraiment content que tu sois là, parce que je sais que tu avais très envie de venir nous voir. Ah oui, oui, plutôt que tu me parles de tes émissions, j'avais très envie d'y participer. D'accord. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de cette magnifique région qu'est la Bretagne. Oui. Alors d'abord, on va essayer de localiser un peu la région en France. Alors ça se trouve où, la Bretagne? Alors la Bretagne se situe au nord-ouest de la France. Ouais. Voilà, donc c'est la petite partie pointue du nord-ouest de la France qui est au bord de l'Atlantique, la mer Celtique et la mer de la Manche. Et la Manche, ouais. Et la Manche, ouais. Et ouais, c'est vrai, quand on voit la France qui forme plus ou moins une tête, c'est un peu le nez, quoi. On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait, c'est un peu le nez, oui. Et toi, tu viens de où exactement en Bretagne? Alors moi, je viens des Côtes d'Armor, d'une petite ville qui s'appelle Paimpol. Paimpol, c'est une petite, ça veut dire combien d'habitants? Environ 10 000, 20 000 habitants. Et les Côtes d'Armor, c'est quand on voit la Bretagne, ça, c'est au nord, c'est au sud de Alors, la Bretagne? Alors les Côtes d'Armor font partie du nord de la Bretagne, en fait, de la Haute-Bretagne, qui se situe juste au bord de la mer. Ok, voilà. D'accord. Et donc, toi, t'es juste au bord de la mer aussi, Paimpol, ça se trouve Ah, c'est tout à fait au bord de la mer, avec des ports de plaisance, des ports pêcheurs. Ah ouais? Ah ouais. T'es sur le littoral? Ah, je suis sur le port. Près de la plage? Alors, les plages, non, c'est pas des plages, c'est plus des jetées sauvages en Côte d'Armor. Donc, des falaises? Des falaises, ouais, des petites plages de galets. Ok. Mais c'est plus des falaises, des paysages sauvages, Donc on s'y baigne pas trop, mais on fait plus de bateaux là-bas. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a d'autres endroits en Bretagne où il y a pas mal de plages, non? Alors plus du côté ouest, en fait, côté Finistère par exemple, qui est totalement à l'ouest de la Bretagne. Ouais. Là, tu peux y trouver des grandes plages. De sable fin. De sable fin, de galets. Waouh. Voilà. On y reviendra après. Je voulais te demander, j'ai une question, par rapport à la Bretagne, quand on sait qu'en français, on a ce pays qui sont nos chers amis, les Anglais, qu'on appelle aussi la Grande-Bretagne. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre ce pays et cette région? Eh bien oui, ce sont nos cousins en fait en Bretagne. Nous, les Bretons, nous sommes celtiques et gaulois en fait. Nous sommes les seuls à être vraiment gaulois, à ne pas avoir de mixité avec les Latins. D'accord. Donc c'est cette raison pour laquelle nous sommes assez fiers d'être Bretons. Oui. Et effectivement, il y a très très longtemps, à l'époque d'Astérix, on pourrait dire ça, il y a eu quelques guerres et nos cousins bretons se sont rapatriés dans notre région Bretagne. Donc c'est bien les Bretons qui ont donné ce nom. Voilà, donc vraiment en historique, ça, on appelait ça les Britons de Britannique. Ouais, donc, qui sont venus en France. Qui se sont échappés des empires romains sur les îles britanniques et qui, ouais, sont revenus ensuite pour échapper aux attaques germaniques. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est une grande épopée. Moi, je fais toujours référence à Astérix. Avec l'époque des druides, c'est tout à fait ça. C'est vraiment les légendes bretonnes. D'accord. Celtiques. Et d'où vient un peu aussi cette forte culture bretonne? Cette mixité avec les Celtiques, en fait, et puis cette volonté de garder notre tradition, notre culture. On est la plus grande région d'Europe à avoir gardé la tradition celtique, qui est très forte, ouais, qui est très engagée, et que tu retrouves dans tout. Hein. Tu peux la retrouver dans les chants celtiques, où tu as des concerts interceltiques, ouais, à Lorient, qui est très connu, très réputé. Oui, il y a un festival là, chaque année. Un festival chaque année à Lorient, début août, ouais, qui regroupe tous les chants celtiques d'Europe. D'accord, et donc il y a des gens qui viennent d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles, d'Angleterre, et puis, ouais, nous. Et donc la musique est plus ou moins identique en Bretagne? Origine, c'est la même chose. Ah d'accord. C'est origine, okay, celte, oui, tout à fait. Ok, que dans les pays qui viennent citer. Voilà, comme muse, harpe, les mêmes instruments, les mêmes chants. Les danses, les costumes traditionnels, tout... Tout est pas d'origine, mais vraiment une tradition profonde et ancrée, oui. Ok. Voilà, qui n'a pas beaucoup changé. D'accord. Et alors aussi, là on parle des danses, de musique, mm-hmm, mais aussi une langue bretonne. Alors le langage qui malheureusement n'est pas officiel, mais que tu peux retrouver et enseigner dans toutes les écoles de Bretagne, par exemple. Donc, ouais, le breton est enseigné. Donc après tu as différents bretons, pas trop s'attarder là-dessus, qui est d'origine celte. Et nous nous battons, les Bretons se battent pour que cette langue soit officialisée. Mais elle n'est toujours pas officialisée pour l'instant. Elle n'est absolument pas officialisée ni reconnue comme une langue officielle. D'accord, mais par exemple en Bretagne, les panneaux sont écrits en français et en breton. Quand même, ouais. Ouais, ouais. Partout en Bretagne, ouais. Ça doit être marrant ça. C'est excellent, ouais. Mais est-ce que ça va au point que les Bretons et la Bretagne voudraient être indépendants? On est plus ou moins indépendants. On est plus ou moins dépendant, nous avons notre propre... Je vais donner un exemple tout simple. Partout en France, tu vas retourner des autoroutes qui vont être payantes. En Bretagne, ouais. Dès que tu arrives dans la région Bretagne, tu n'as aucune autoroute que des nationales qui ne sont pas payantes. Ok. Donc, on a une façon de gérer notre région qui est effectivement assez personnelle. C'est une certaine autonomie, alors. On a une certaine autonomie qu'on veut garder, mais qu'on ne déclare pas, telle que la Corse ou d'autres régions de France. D'accord. Mais on a effectivement notre autonomie, notre franc-parler. Donc oui, on a quelques particularités qu'on a gardées en Bretagne. Pour revenir à ce que tu disais, donc toi, tu habites à Paimpol, qui est dans le nord de la Bretagne. Sinon, au niveau de la géographie, du paysage, la Bretagne, bon, je sais que c'est une grande région, mais c'est quoi ? Il y a des montagnes, au point d'avoir des montagnes ? Non, il n'y a pas de montagnes, mais tu as des grandes contrées un peu désertiques que tu peux retrouver en Irlande, par exemple, ou en Écosse. D'accord, donc le paysage... Le paysage est assez ressemblant, effectivement. C'est très fleuri, c'est assez sauvage. Ouais. Donc moi, je conseille de... Enfin, je prône la visite, le tourisme en Bretagne, qui est une région magnifique. Mais le tourisme est déjà très important, non ? Le tourisme est très développé. Mais ouais. Le tourisme est plus anglo-saxon que français. Enfin, depuis quelques années, les Français se rendent plus en Bretagne, ouais. Mais découvrent la Bretagne, parce que tu as toujours des amoureux de la Bretagne qui ne la quittent jamais. Et c'est surtout des anglo-saxons, des Irlandais, écossais, ouais. Avec lesquels nous avons également des échanges interculturels, qui se rendent en Bretagne. Parce que, oui, les gens, ce qu'ils aiment bien à la Bretagne, c'est justement ce côté sauvage. Voilà. Tu le dis, quand on compare la Méditerranée à la côte atlantique, les gens qui préfèrent ne pas être entourés par des dizaines de personnes, comme c'est le cas sur la Méditerranée. Mm-hmm. En Bretagne, on a plus ces grands espaces avec il y a du tourisme, mais ça reste toujours un peu plus personnel. Exactement. Mm-hmm. Et alors toi, si jamais tu devais dire à quelqu'un un endroit ou à visiter particulièrement, oui, à toi. Bon, je sais, tu as peut-être cité ton village, mais est-ce qu'il y a un autre endroit que tu aimes particulièrement en Bretagne, que tu trouves qui est digne d'intérêt ? Je conseillerais Rennes, qui est une ville magnifique, riche en histoire également. Qui n'est pas sur la côte. Ah non, qui n'est pas sur la côte. Ouais. Qui n'est pas très loin de la côte, qui doit être à 2 heures de la côte. Donc, et puis je conseillerais surtout les îles, Belle-Île, l'île de Bréa, des îles à visiter, où ouais. Tu peux y rester. Quelques temps qui ont un côté bon effectivement touristique mais également sauvage, qui sont riches en végétation, riches au niveau des oiseaux, de la faune, ouais, de la flore, qui c'est vraiment intéressant et enrichissant à découvrir. Et donc ça, c'est juste au large? Alors l'île de Bréa, c'est plus près de ma région, et l'île de Belle-Île par exemple, c'est plus sur l'Atlantique. D'accord. T'as aussi le Mont Saint-Michel que je recommande également aller visiter. Ça, le Mont Saint-Michel, c'est en Normandie. Alors c'est la alors c'est la grande guerre entre les Normands et les Bretons. Les Bretons te diront que c'est breton, ouais. Et les Normands te diront que ça appartient à la Normandie. Ok, mais en tout cas, c'est un endroit magnifique. C'est un endroit que je conseille, quelle que soit la région à laquelle appartient l'île Saint-Michel, je la recommande. D'accord. Ouais. Et si jamais ici les auditeurs veulent se rendre en Bretagne, mm-hmm. à quel climat ils peuvent s'attendre ? Là, c'est la petite Alors, question. Alors, c'est bien que tu le mentionnes. On va essayer de bien présenter ça. Alors, effectivement, souvent, les gens vont te dire « Ah, mais la Bretagne, il pleut tout le temps. Mm-hmm. » Alors, c'est pas vrai comme c'est pas faux. Il est vrai que du côté Finistère, donc plus du côté Atlantique, ouais. Et mer Celtique, il pleut. Il ouais. pleut, effectivement. Mais ce n'est pas... si tu veux, pour nous, les Bretons, ça va pas nous empêcher de vivre. Il va y avoir une journée où il va pleuvoir, on va quand même sortir, avoir une journée tout à fait normale. Ouais. Donc, il est vrai qu'il pleut, mais il pleut plus dans les saisons printanières, automne, hiver, l'été. L'été, on va atteindre des températures de 22-23 degrés qui sont tout à fait agréables, avec un petit vent. Donc, tu ne succombes pas à la chaleur. Et puis, tu as le côté Côte d'Armor, qui est plus ma région, où ouais. il pleut beaucoup moins. Ah bon ? Non, bah dans ma région, il pleut beaucoup moins, effectivement. Et pareil, le temps est tout à fait clément. D'accord. Donc oui, il pleut en Bretagne, il est vrai, mais nous ne sommes pas en Côte d'Azur. Ouais, voilà. Nous sommes en Bretagne, et la Bretagne est quand même, si tu veux, tu as l'Atlantique, la mer Celtique et la Manche. Donc effectivement, c'est un climat qui favorise... C'est un climat océanique. C'est océanique. Il ne faut pas s'attendre au Sahara, mais faut pas, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir cette idée qu'en vrai, c'est toujours pluvieux. Et voilà. Ouais. Ouais. Et quand il fait beau, il peut faire très beau. Il fait très beau. Mm-hmm. C'est très agréable. Ouais. Voilà. Je me souviens qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, enfin, quelques années en France, quand il y a eu la grosse chaleur, il y a eu un été vraiment torride. C'est très, très chaud aussi en Bretagne. Mais très bon, c'était agréable. Voilà, c'était agréable. Comparé à d'autres endroits en France où là, il avait vraiment fait très chaud. Vraiment fait très chaud, ouais. Et j'ai des amis qui étaient en Bretagne en vacances à cette période-là. Ils m'ont dit que c'était extraordinaire. Ah, c'était agréable. C'était extraordinaire. Ouais, c'était extra. Voilà, nous allons maintenant arrêter cette émission consacrée à la Bretagne. Il y a énormément de choses à dire sur cette région. Donc, on va se retrouver dans 15 jours, toujours en compagnie de Anne, pour reprendre la conversation et découvrir ensemble la région bretonne. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt sur FrenchPod. Salut!